Deuxième livre des Rois, chapitre 25. Il arriva donc la neuvième année du règne de Sédécia, le dixième jour du dixième mois, que Nebuchadnezzar roi de Babylone vint avec toute son armée contre Jérusalem, et se campa contre elle, et ils bâtirent des forts tout autour. Et la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécia. Et le neuvième jour du quatrième mois, la famine augmenta dans la ville, de sorte qu'il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murailles, qui était près du jardin du roi. Or les Chaldéens étaient tout joignant la ville à l'environ, et le roi s'en alla par le chemin de la campagne. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et quand ils eurent atteint dans les campagnes de Jéricho, toute son armée se dispersa d'auprès de lui. Ils prirent donc le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, où on lui fit son procès. Et on égorgea les fils de Sédécia en sa présence, après quoi on creva les yeux à Sédécia, et l'ayant lié de double chaîne des reins, on le mena à Babylone. Et au septième jour du cinquième mois, en la dix-neuvième année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan prévôt de l'autel, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem, et il brûla la maison de l'Éternel, et la maison royale, et toutes les maisons de Jérusalem, et mit le feu dans toutes les maisons des grands. Et toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le prévôt de l'autel, démolit les murailles de Jérusalem tout autour. Et Nebuzaradan prévôt de l'autel, transporta à Babylone le reste du peuple, savoir ceux qui étaient demeurés de reste dans la ville, et ceux qui s'étaient allés rendre au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Néanmoins le prévôt de l'autel, laissa quelques-uns des plus pauvres du pays pour être vignerons et laboureurs. Et les Chaldéens mirent en pièces, les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, et les soubassements, et la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils emportèrent aussi les chaudrons, et les racloirs, et les serpes, et les tasses, et tous les ustensiles d'airain dont on faisait le service. Le prévôt de l'autel emporta aussi les encensoirs et les bassins, et ce qui était d'or, et ce qui était d'argent. Quant aux deux colonnes, à la mer, et au soubassement que Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, on ne pesa point les reins de tous ses vaisseaux. Chaque colonne avait 18 coudées de haut, et elle avait un chapiteau d'airain par-dessus, dont la hauteur était de 3 coudées, outre le ray et les grenades qui étaient autour du chapiteau, le tout d'airain, et la seconde colonne était de même façon, avec le ray. Le prévôt de l'autel emmena, aussi Séraja premier sacrificateur, et Sophonie second sacrificateur, et les trois gardes des vaisseaux. Il emmena aussi de la ville, un eunuque qui avait la charge des hommes de guerre, et 5 hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville. Il emmena, aussi le secrétaire du capitaine de l'armée qui enrôlait le peuple du pays, et 60 hommes d'entre le peuple du pays, qui furent trouvés dans la ville. Nebuzaradan donc prévôt de l'autel les prit, et les mena au roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa, et les fit mourir à Ribla, au pays de Hamath. Ainsi Juda fut transporté hors de sa terre. Mais quant au peuple qui était demeuré de reste au pays de Juda, et que Nebuchadnezzar roi de Babylone y avait laissé, il établit pour gouverneur sur eux Gedalia fils d'Ahikam, fils de Saphan. Quand tous les capitaines des gens de guerre, et leurs gens, eurent appris que le roi de Babylone avait établi Gedalia pour gouverneur, ils allèrent trouver Gedalia à Mitzpa, savoir, Ismaël fils de Netania, et Johanan fils de Caréat, et Séraja fils de Tanumet Netophatite, Jaazania fils d'Amahachatite, eux et leurs gens. Et Gedalia leur jura et à leurs gens, et leur dit, ne faites pas difficulté d'être serviteurs des Chaldéens, demeurez au pays, et servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais il arriva au septième mois, qu'Ismaël fils de Netania, fils d'Élisama, qui était du sang royal, et 10 hommes avec lui vinrent, et frappèrent Gedalia, dont il mourut. Ils frappèrent aussi les Juifs, et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand, avec les capitaines des gens de guerre, se levèrent, et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Or il arriva la 37e année de la captivité de Jéhojach un roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Kévil-Mérodac, roi de Babylone, l'année qu'il commença à régner, tira hors de prison Jéhojach un roi de Juda, et le mit en liberté. et il lui parla avec douceur, et mit son trône au-dessus du trône des rois, qui étaient avec lui à Babylone. Et après qu'il lui eut changé ses vêtements de prison, il mangea du pain ordinairement, tout le temps de sa vie en sa présence. Et quant à son ordinaire, un ordinaire continuel lui fut établi par le roi chaque jour, tout le temps de sa vie.